הלכו לרוס ירד אל אדונה פרשמונטי פרל קשה לואן דה קסטידין תימקולי לזליזה תראה לסין סנפה תריד דונו פי הג'מא נפלרי Suerte, j'ai vu mes amis de lumière, gentilshommes alanguis, prêteurs de fortune, âmes dévêtues de leur manteau d'amertume, athérique, l'amitié sans vice, Versailles, Versace, partagent leur semaine de vérité. Noie leur solitude, Jack en Jack Matelas, mais le soleil ne le verra pas. Baladin sans lutrique poursuit sa quête de la bosseur. Cours et cours, ton graal s'enfuit dans le sable blanc de Corralero. Que ce blanc de ses ruses, poison d'argent, de nos yeux avides, tu annihilis toute révolte, cataleptique, blancheur, qui pousse au sommeil, le voyageur des lins. Apaise-moi, apaise-moi, Matt. Allez, Matt, donne-nous ton jive. Ici mon ami, tu peux poser ton gun. J'ai perdu tant de temps et tant de temps englué dans les combats, perdu d'avance.